L'actualité à Nancy et ailleurs. Alexandre Scotto, bonjour. Bonjour. Vous êtes assistant de gérance au sein de Passlore, qui est une couveuse d'entreprise. Et on va découvrir un peu ce qu'est une couveuse d'entreprise. Avant ça, peut-être un mot sur vous. Vous êtes assistant de gérance. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, en l'occurrence, je suis assistant de gérance au sein de Passlore, c'est-à-dire que je suis en poste pour pouvoir aider les différents accompagnateurs répartis sur tout le territoire de la Lorraine à être d'autant meilleurs dans leur mission d'accompagnement, de développement, de l'activité de nos couvées, de développement de la couveuse également. Et je suis donc en lien direct avec cette équipe d'accompagnement, autant qu'avec le gérant et la direction pour la mise en œuvre des orientations stratégiques. Alors, quand on parle de couveuse d'entreprise, de quoi parle-t-on plus précisément? Alors, une couveuse d'entreprise, c'est une structure qui a un dispositif un peu particulier dans notre pays, qu'on appelle le contrat CAP, qui est un contrat qui permet à des entrepreneurs de pouvoir lancer leur activité dans un cadre à la fois sécurisé et qui va les propulser, qui va les aider à démarrer leur activité dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que du coup, c'est un contrat qui va héberger l'activité juridiquement parlant. Il n'y a pas de création d'entreprise, mais c'est le numéro Siret de la couveuse qui est mis à leur disposition. Et en parallèle de ça, ils bénéficient de différents services, supports, à la fois la comptabilité, mais aussi le juridique, la communication et bien évidemment l'accompagnement dans le développement de leur activité. Le but du jeu étant de faire grandir leur projet durant les 2 à 3 années qu'ils vont passer au sein de la couveuse. C'est relativement récent comme dispositif, ces couveuses d'entreprise? C'est un dispositif qui existe depuis maintenant un peu plus de 15 ans dans notre pays. Pour autant, ce n'est pas un dispositif très répandu, ce qui explique qu'on souffre encore d'un déficit de notoriété. En l'occurrence, pour Passlore, on existe maintenant depuis plus de 15 ans à Nancy, où se situe notre siège, à Maxéville plus précisément, et puis sur tout le territoire de la Lorraine et même maintenant du Grand Est. Alors cet accompagnement, pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail, pour expliquer comment ça se passe, déjà quel public vous accueillez? On accueille tout type de public, ce sont à la fois des artisans, des commerçants, commerçants physiques ou commerçants en ligne, ça va être des formateurs, des consultants, des coachs, dans le bien-être aussi, c'est vraiment très varié, on a quelques restrictions à l'accueil, mais globalement on peut quand même accueillir un grand nombre d'activités qui aujourd'hui sont au nombre d'une centaine dans notre couveuse. Ce sont des personnes qui recherchent essentiellement un hébergement juridique, mais surtout de quoi faire grandir leur projet en nous rejoignant. Ce sont des personnes du coup qui veulent se donner le temps de pouvoir poser les bonnes bases à leur activité, à leur projet. Durant 2 à 3 ans, ils savent qu'ils auront à la fois l'intégration dans un réseau d'entrepreneurs, ils auront également un accompagnateur qui sera là une fois par mois pour les aider du coup à prendre du recul sur leur activité. Et également, ils auront toutes ces fonctions support, juridique, communication, comptabilité, qui leur permettront d'acquérir toutes les compétences dont ils auront besoin le jour où ils se lanceront dans le grand bain. Le point de départ quand on va intégrer une couveuse d'entreprise, c'est quoi? C'est juste avoir une idée ou faut déjà avoir des cartes en main, quelque chose à mettre en place? Il faut avoir une idée, il faut aussi avoir une posture. Je pense que c'est peut-être le plus important. La posture commerciale, la posture de celui qui va aller chercher des clients, et parfois c'est pas ce qu'il y a de plus évident quand on lance son activité. Mais au-delà de la posture, effectivement, c'est quand même bien d'avoir déjà quand même quelques contacts clients ou partenaires, fournisseurs si jamais c'est quelque chose d'important pour l'activité en question. Il faut également avoir rencontré une première fois l'un de nos accompagnateurs, soit en réunion collective, soit en rendez-vous individuel, pour avoir compris quand même le dispositif de la couveuse. Et puis évidemment, il faut rentrer dans les conditions qui sont posées pour pouvoir nous rejoindre. Pour l'accompagnement, comment ça se passe aussi? Parce que les personnes vont avoir, vous l'avez dit, des projets très très différents. Ça peut être des artisans, des auto-entrepreneurs, avec des problématiques pour le coup diversifiées. Alors, on essaie d'être sur un accompagnement qui est personnalisé, mais qui en même temps est professionnel. C'est-à-dire que du coup, on essaie quand même d'astreindre nos accompagnés, nos couvées, à une certaine régularité, une certaine fréquence, à la fois dans les contacts pour les rendez-vous individuels, on a au minimum un contact une fois par mois avec chacun de nos couvées, et également dans les rencontres réseau plus collectives, où on a un contact, ou du moins ces entrepreneurs-là viennent en réunion collective, au moins une fois par trimestre pour rencontrer d'autres entrepreneurs et faire le point sur leur prospection, sur leurs différentes démarches et leur activité à l'heure actuelle. Alors, on personnalise cet accompagnement en essayant vraiment de s'adapter à l'activité de chacun de nos entrepreneurs. On sait que chaque activité a sa propre clientèle à qui il va falloir adresser un message bien particulier, par des canaux bien particuliers aussi. L'entrepreneuriat, c'est toujours une adaptation à sa cible client. Et donc, nos accompagnateurs sont vraiment là pour aider chacune de nos activités, chacun de nos couvées à s'adapter au mieux. Et donc, c'est pourquoi nous aussi, on essaie de s'adapter au mieux par le contenu des rendez-vous que l'on propose, mais également par des réunions plus thématiques, puisqu'on propose des points thématiques, c'est-à-dire par corps de métier, artisanat d'art, bien-être, formation. Voilà, on essaie de proposer ça assez régulièrement pour vraiment s'adapter aux besoins de chacun de nos couvées. Un mot sur la situation sanitaire. Est-ce que vous ressentez des difficultés aujourd'hui ou des inquiétudes par rapport aux personnes que vous accompagnez ou peut-être moins de personnes justement qui osent se lancer dans la création d'une entreprise ? Aujourd'hui, je pense que malheureusement, l'inquiétude est assez généralisée, pas seulement pour les entrepreneurs, pas seulement pour nos couvées. Donc nous, on est là évidemment pour essayer de trouver des solutions face à chaque crise. Ce sont évidemment des obstacles, mais aussi des opportunités qui peuvent être délimitées. Donc on essaie vraiment d'être dans une dynamique positive avec nos couvées en cherchant les opportunités que peuvent faire naître éventuellement la crise que nous traversons. On sent évidemment de l'inquiétude aussi chez les personnes qui voudraient se lancer comme entrepreneurs, donc qui ne sont pas encore chez nous. Mais c'est là que la couveuse a vraiment son intérêt, c'est qu'on offre ce cocon qui sécurise les premières années d'activité et qui permet vraiment de pouvoir se lancer même dans le contexte actuel avec une certaine sérénité d'esprit. Et ça, je pense que c'est assez important. Pour en savoir plus, comment on fait ? Je crois que vous organisez tous les mois des réunions d'information. Exactement, on organise des réunions d'information deux fois par mois, une fois sur Nancy, une fois sur Metz. Avec le développement géographique de notre couveuse, il y a aussi moyen de pouvoir s'y joindre à distance éventuellement. Mais effectivement, oui, on en propose deux fois par mois. Un numéro de téléphone pour en savoir plus, notez le 03 83 92 30 70. 03 83 92 30 70. Alexandre Scotto, merci. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.